Épouser mon ego, perturber un pauvre soir. Mille fardeaux au milieu de la nuit et nulle part. Où aller m'éclipser près de la lune, ocre, lueur d'espoir. Allumer les bêtises et les drames filant sous les grands phares. Ici, messieurs et dames, mon escarrego, vitesse minimale. Que le spectacle commence, pour une fois c'est moi qu'on attend. Je m'étire, je m'étends, la santé me gagne et je ressens la calmie m'adonne au vent, je vis l'instant phénoménal. Des messages codés, auréolés, m'informaient du passage des précieuses denrées dans ma pensée ont mis fin au naufrage. Je prends le temps de souffler, d'imaginer un monde idéal. J'aimerais disperser, annihiler la machine infernale. Yo, yo. Laissez-moi aller, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi aller, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi aller, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi aller, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi aller, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi aller, laissez-moi, laissez-moi. La minute bon marché me love et seront l'équilibre imparfait de ma somme. Je le fonds, la minute bon marché me love et seront l'équilibre imparfait de ma somme. Je le fonds.